Ils m'en voudront tous si j'y arrive en trichant. Mais tout est truqué, veulent m'éduquer, surtout que je sois tigeant. J'écoute pas les gens, serre les poings, tu serres les dents. On va vers la fin, silence malaisant. Je suis joyeux, seulement éméché. Car la vie est comme la justice, elle pulvise. Même si elle a lavé ses péchés, la pute elle nous en fait baver. Du coup je suis sec comme mon compte en banque. Bah ouais c'est pas la fête, y'a les comptes en plan. Je veux pas crever pour la France, frère, je suis comme ce fou de la dupe. Je vends mon CD sous la manche, tu vends ta carrière sous ta jupe. J'aime pas la manière dont tu suces. Je vais me cracher en première classe, j'ai démarré au fond du bus. J'ai travaillé, je veux mon dû. Rien me fait bander à part la thune. Je vais batailler car parler tu, maman. L'échec et mat, le mec est là, oh, mais t'es que là, oh. Belle qui te la mettent dans le dos, ébullition, co-punition. On a les armes et les munitions. Ils connaissent pas le plan, alors on se marre. Ça fait longtemps qu'on marche dans ton arc, prends ton argent. Le Z, la tribu, la sec, trop de traite, traîne, cherche à mettre la pilule. Ici le singe savant qui ment sincèrement. Car du bon marocain et qui t'arrange. 1980, y'a plus de place, ça se pique entre les phalanges. 93, tu te fais niquer devant tes parents. On a de l'espoir et des carences. Sur le séchoir, y'a de quoi vivre le quart d'un an. Je casse des carreaux, je les rends barreaux. Je les mets KO, je les pas au char, les couteaux comme j'ai pas pris le micro pour devenir chanteur de pop. Toute ma jeunesse passée entre chineur et vendeur de drogue. Mon travail à plus JM, posé au jumeton. Sans permis jusqu'au 25, chargé avec des litrons. Fumée épaisse, business et des jeunes qui causent trop fort. Pour traîner dehors, faut surtout pas être claustrophobe. Prêt à trop pour délover jusqu'à se faire plaquer. C'est quand ton poteau meurt, tu dis que la street c'est vraiment claqué. Ça peine à voir ce qu'elle aura boin. Le respect, ça paye si t'as rien. Je te ferai un machin sur mes machins. Fais pas Rodino, du cavladé dans la petite auto. S'ils t'ont chauffé à la main, pas besoin de biscotto. J'ai jamais traîné une vieille par son fichta. J'en connais qui l'ont fait mais savent que personne ne mérite ça. Des bagarreurs de guerre qui vont direct droit au but. J'avoue je l'ai fait une fois ou deux, pourtant c'est pas mon truc. À 15 dans le bus, en fumée jusqu'au parlu. Toute l'année en alerte comme des détecteurs de l'ardu. Trop tôt très attiré par la beauté des métaux. J'grave un set dans un fourgon cellulaire jusqu'au dépôt. Ma main, usine avec un la 26ème lettre. Jusqu'à la vie, jusqu'à la mort. Zenza, souffrance. Tony Olvaqueso, Tony Toxic. Sur un télèque qui a été chaud, maman. La dernière lettre de l'alphabet.